Ok. Ça ou ça. Eh, c'est le petit Zincou là. Sur la mixtape, photo. Eh, 2-6, Montello, frérot. T'aimes, tu sais. Ok, Zincou, 9-5. Pourquoi tant de rage? Pourquoi t'as pas l'âge pour être en chienne? Enchaîné, je l'ai vécu d'un âge de 15 ans. Dis-moi pourquoi les autres sont casés avec son bout de la lèvre, un quasiment. J'ai pas de quasi vierge, mec, c'est quasi sûr. Demande à Casimir à coup sûr. J'ai pas l'air de rire, l'air de rien. Je barote avec un tour de rein. Pourquoi je marche avec étourderie? Ce mot la putain, on m'a souvent trop dit. Mais j'ai la rage, je sais plus quoi faire. Comme t'es eux qui s'est fait serrer sur terrain. Et eux qui roulent en R1, c'est R.I. Fuck les caries. Pourquoi je suis obligé de faire ces conneries qu'on me dit? Respect à la génération El Kunji. T'entends pas, pas, bouge pas, t'es épaté, couvert pas, pas, car c'est moi qui a le tarpé. T'entends clic-clac, c'est le Glock. Y'a plus personne, tu claques. Y'a plus personne, tu claques. Ok, Mister Soul 5, on est là. C'est pour les mecs de nos cases, frère, frontal. Bon Louis, frérot, toi-même, tu sais. Eh, il a représenté son temps. T'as les nerfs. Ok, Mister Hex, toi-même, tu sais. Vas-y, coupe le son, ça me met à son bon état.